Troisième partie. La retraite est faite pour travailler. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Je travaille dans un bureau, mais je vais bientôt prendre ma retraite. Qu'est-ce que vous ferez quand vous aurez pris votre retraite? Quand j'aurai pris ma retraite? Pour commencer, je voyagerai, je ferai ce qui me plaît, et puis je chercherai du travail. Mais la retraite est faite pour ne rien faire. Ça fait 40 ans que je ne fais rien. En fait, je suis content de prendre ma retraite pour pouvoir commencer à travailler.